Alors, bonsoir et bienvenue à Web Musique. Ben oui, je me suis ennuyé de vous. J'ai pas pu être là la semaine passée. J'étais à Montréal pour l'anticonférence PodCamp Montréal. Qu'est-ce que c'est PodCamp Montréal? Ben c'est une anticonférence sur les nouveaux médias, les médias sociaux, les blogs, la balado-diffusion. Donc, c'est un groupe de passionnés qui était présent. Il y avait plusieurs conférences. J'ai enregistré plusieurs des conférences. Je vais mettre ça sur le blog de l'émission. Donc, vous allez pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passait à cette anticonférence. Ça va être posté durant la semaine. Parlant de nouveaux médias, ben, l'émission, il y a un blog qui est rattaché à ça. Vous pouvez aller au www.webmusique.org. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur le blog de l'émission pour télécharger les pièces que vous entendez. C'est aussi possible de suivre l'émission sur Twitter. Donc, il y a un lien sur la page. Avec ça vous permet de voir un peu l'envers du décor de l'émission. Donc, on va débuter tout de suite avec une étiquette qui nous vient de l'Espagne. J'ai beaucoup de matériel qui vient de l'Espagne aujourd'hui, un peu Espagne, Portugal. C'est l'étiquette Rhythmus. J'en ai déjà fait passer à l'émission. C'est une étiquette vraiment intéressante. Je vais débuter avec une pièce de Monika Pitch, une Polonaise qui vient de la ville de Poznan. Je vous fais passer deux pièces sur son album Day by Day. On va débuter avec It's Just Another Day, puis ça va être suivi par Tantôt Bonheur, une pièce en français, et oui. Donc ensuite de ça, on va entendre Laszlo Holyfield, la pièce Madrid. Laszlo Holyfield qui vient de la ville de Gijón, en Espagne. Donc pour tout de suite, Monika Pitch. Thank you. Thank you. C'était Laszlo Holyfield de l'Espagne. C'était sa pièce Madrid. Avant ça, c'était Monica Pitch avec la pièce. Mon Dieu, excusez-moi, je vais repartir en musique. C'était Kale Minimal, la pièce Freaktar. Excusez-moi, j'ai eu un phénoménal tic dans la gorge. J'ai tout de suite passé en musique. Donc, c'est un artiste qui est sur l'étiquette, le net label international diplomatique. C'est un peu drôle. Les artistes agissent un peu comme des ambassadeurs. Donc, c'est des artistes d'un peu partout qui composent ce net label. C'est vraiment intéressant comme concept. Il y a des artistes d'un peu partout en Europe. Il y a même ici au Canada, il y a Éloi Brunel qui fait partie de l'étiquette. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour de leur côté. Ils ont vraiment du bon matériel. Donc, on poursuit avec l'Italien Lolo. C'est son pseudonyme. Il s'appelle Lorenzo La Barbera. Donc, je vous fais entendre sa pièce Molecola. Vous êtes toujours à Web Music.

C'était Green Cross, la pièce Omel R, Green Cross qui nous vient du Venezuela. Avant ça, c'était Dropout de l'Espagne, sa pièce DNA. Deux artistes qui sont sur l'étiquette espagnole Antiritmo. Donc, on va poursuivre l'émission avec trois pièces. C'est un artiste que j'aime beaucoup sur l'étiquette Phonotactics qui s'appelle Motown Junkie. Il a lancé un album il n'y a pas trop longtemps, puis ben j'étais pas capable de choisir une pièce, donc je vous en ai pris trois sur l'album. Vous allez voir, des ambiances assez spéciales. Il se sert beaucoup d'échantillonnage. Des fois, on entend des trucs des années 50, un peu de jazz, donc vraiment des ambiances vraiment intéressantes. Donc, on va débuter avec Self-Hypnosis. Ça va être suivi par la pièce Hill Down, puis enfin, They Have Pact with the Devil. Trois pièces qui se retrouvent sur l'album Self-Hypnosis. Donc, on part tout de suite avec Motown Junkie. c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. J'ai pas le temps de faire passer la dernière pièce. Donc, c'était Motown Junkie, un portugais. Je vous ai fait passer deux pièces sur son album Self-Hypnosis. Donc, vous venez tout juste d'entendre Ill Down, puis c'était précédé par Self-Hypnosis, la pièce titre de l'album. C'était sur l'étiquette Phonotactics, une excellente étiquette qui nous vient du Portugal. Je vous rappelle que toutes les pièces que vous avez entendues ce soir, ben, c'est possible de les télécharger gratuitement pour ensuite les partager avec vos amis, puis pourquoi pas, si vous aimez les albums, achetez-les donc directement de l'artiste. Ça va directement dans leur poche, donc vous encouragez des artistes qui travaillent fort, qui distribuent leur musique gratuitement, puis c'est quelque chose qu'il faut absolument encourager. Je vais vous laisser. L'émission qui suit s'appelle Jazzimus Actuel. C'est par Jason Vlasak. Donc, je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de CKRL. Puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h. Bonsoir. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24h sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Voter, c'est choisir son monde. Une élection fédérale aura lieu le mardi 14 octobre. Conservez la carte d'information de l'électeur que vous avez reçue d'Élections Canada. Elle vous indique où et quand voter. Si vous n'avez pas reçu de carte, appelez dès maintenant votre bureau local d'Élections Canada. Pour voter, vous devez prouver votre identité et votre adresse. Informez-vous au www.élections.ca ou au 1-800-463-6868. Le mardi 14 octobre, on vote. Ceci n'est pas un bulletin de nouvelles, c'est Mise à jour, animé par José Arsenault à Vox. Un rendez-vous d'information en direct de Québec qui présente la nouvelle sous un angle constructif. Un regard différent, inattendu, aiguisé et impartial. En compagnie d'Antoine Robitaille, Marc Nadeau, Richard Thérien, Carlo Alberton et des correspondants web, José Arsenault anime un magazine moderne, interactif, plus près de vous. Mise à jour, du mardi au vendredi 17h à Vox, Câble 9, une exclusivité de Vidéotron. Vox, ça fait du bien de se voir. Des rendez-vous Estrade de Québec, du 10 au 13 octobre dans le quartier Petit Champlain. 4 jours de musique, de chansons, d'animation, de contes, de danse et d'ateliers, sans oublier la joute chantée et le bal. Bobelot, les chauffeurs à pied, Desi Bao, le trio Daniel Boucher, la gang à Pomerleau, le groupe Sans Âge, le Vent du Nord, Geneviève Charlot, le duo Roi Rony et bien d'autres. Du 10 au 13 octobre, pour tous. La programmation est disponible dans les présentoirs du Voir et au www.estrade.qc.ca. We interrupt this record. Bring me a special bulletin.